tout de suite dans la bande originale, c'est Guillermo Guy, s'il vous plaît. Absolument. Bonjour. Ça va les amigos? Oui. Yes. Ouais. Le jour, j'étais en train de lire Causeur au calme, là, dans mon mirador. Ouais. Je fais ça toujours semaine, la surveillance. C'est une poire pour la soif. En plus, on croit toujours que c'est loin, Vichy, mais en intercité, c'est même pas 3 heures. C'est vrai que c'est important de lire ce magazine pour moi parce que j'essaie de m'intégrer. En ouais. France, quoi, d'après les sondages, un Français sur trois vote à l'extrême droite quand même. Ça veut dire que dans le studio, secrètement, il y a deux personnes qui rêvent que je retourne en Belgique. Quoi, ouais. Et je dis secrètement parce que Leïla, elle prend plus de gants. Quoi. Chaque fois que je rentre dans le bureau, elle fait « On est chez nous ! On est chez nous !» C'est ce qui a l'air d'embêter Causeur. On est trop. Il y avait un article intitulé « France Inter donne asile aux humoristes mais belges ». Non. Et j'avoue, en un an, on est passé de 3 à 6 Belges sur France Inter. C'est plus 100%. C'est, on se propage comme des Greenlings qui auraient Omicron. Quoi, vraiment. Et la question « Est-ce qu'elle tient à la route cette image ?» La réponse, ça sonnait bien. C'est vrai, d'après l'auteur, notre point commun, c'est qu'on serait tous de gauche, le cœur sous la main, arrogant, moralisateur, payé par les impôts des Français et surtout pas drôle. J'ai lu ça, j'étais là. Putain, il a raison. Ah, oh, le salaud, bien joué. Allez, sur le fait qu'on n'est pas drôle, jusqu'il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit ça se discute, mais entre-temps, il y a Fanny Ruet qui a débarqué. Et c'est vrai que Fanny, quelque part, elle est lumineuse pour une ambassadrice de la mort. Wow. Mais je veux dire, drôle stricto sensu. C'est moi. Mon sensu. Et pourtant, tu l'as répété, celui-là. Tu vois que t'es drôle. Il parle pas de Fanny, d'ailleurs, dans l'article ni de Florence Mendez. Je sais pas si l'auteur est au courant qu'elles sont à l'antenne. Quoi. J'ai envoyé une lettre anonyme pour les dénoncer. J'ai dit, va kiffer le projet. Procéder, tu vois, ça va lui rappeler sa guerre préférée. J'ai écrit Florence Mendez, non seulement elle est belge, mais en plus elle est musulmane. Putain, juste pour qu'il rappelle la rédaction, il faut dire, j'ai un update de ma boule, s'il te plaît, donne-moi 9 paragraphes en plus. En fait, il clash beaucoup mon ami Laurence Bibot dans le truc, mais, et sur moi, il dit juste que je cite, j'ai trouvé refuge chez Nagui. J'étais là, bah, c'est mal connaître Nagui, hein, tu vois. Il y a personne qui trouve refuge chez Nagui, son épouse, elle est avec nous ce matin, elle le sait, elle est obligée de vivre dans une dépendance. Vraiment. Chez Nagui, tu trouves pas refuge, tu payes une dîme comme tout le monde et t'as droit à 3 minutes par semaine, vite fait, quoi, point barre. Et ils sont tendus à l'extrême droite en ce moment sur France Inter, vous avez vu? Vous avez entendu Zemmour à la matinale, il a dit vous êtes des représentants de la pensée de gauche, tous les Français le savent, tous les Français le disent. Et eux, j'étais là, oh, c'est même pas vrai. Moi, j'étais là, bah, bien sûr que c'est vrai. C'est sérieux, quoi. On peut faire semblant qu'Inter penche pas à gauche, quand même. Ça fait 6 ans que je suis ici, je crois que j'ai écrit et entendu toutes les blagues possibles et imaginables à base de bobos, d'islamo-gauchisme, de potager. Il doit rester une vanne originale à faire sur le sujet. Il la cherche en laboratoire au CNRS, tu vois. En vrai, il faudrait peut-être plus d'humoristes d'extrême droite à l'antenne. Mais bon, Tanguy Pastureau, il fait déjà 6 chroniques par semaine. À un moment, le corps lâche, on veut pas un burn-out pour Tanguy. C'est que Zemmour, il veut privatiser Inter. Il a dit à Salamé, Nicolas Demorand, les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement. Moi, je me demande à quoi elle ressemble la grille rêvée pour Zemmour, tu vois. Genre le 7-9 des pros, Boomerang des pros, la bande originale des pros, tu vois. France Inter, il est 9h, il y a encore trop d'étrangers en France. Vraiment, je comprends. Franchement, je comprends sincèrement que ça puisse frustrer quand t'es d'extrême droite ou même de droite de savoir que ton argent, il finance une radio globalement progressiste, quoi. Je peux comprendre ça. Pourquoi pas privatiser France Inter parce que c'est trop à gauche. Mais alors, faut privatiser la police aussi, quoi. Tu vois, pour équilibrer. Ah ouais, la police, personne n'aura jamais dit vous êtes représentant de la pensée de gauche. Ça se saurait quand même, tu vois. Il y a 750 journalistes dans la maison, on doit avoir 30 humoristes. Il y a 150 000 flics, tu trouves le rapport de force, ça va encore, non, franchement. Et je parle même pas de l'armée, quoi. Tu vois, et tous les flics sont pas à l'extrême droite, ce serait malhonnête de dire ça. Mais tous les gens qui officient sur France Inter, ils sont pas woke, tu vois. Daniel, tu le lances sur les colonies, c'est Michel Sardou, hein, vraiment. C'est vrai. Hey, l'autre fois, il m'a dit, c'est nous qu'on leur a apporté les aqueducs. Vraiment, tu vois. Et sa barbe, c'est pas un hommage à Fidel Castro, je te le dis. Hein. Et Zemmour, il disait qu'Inter, c'est de la propagande woke. Mais tu crois vraiment que les jeunes woke, France Inter, c'est un phare dans la nuit pour eux, franchement. Tu crois que dans une université de France, quelqu'un se dit, il faut vraiment que je lise Bourdieu et que j'écoute le téléphone sonne. Personne, hein. Et il a dit quoi, Dominique Seux, sur l'intersectionnalité? Mais non, franchement, non. Je sais pas comment il prendrait Zemmour si on inversait les penchants idéologiques entre Radio France et la police, tu vois. Genre 7h57 dans la matinale chronique de Jean Roucas, mais dans la rue, plus jamais de contrôle aux faciès. Ce serait stylé, comme tu vois, pour voir. De toute façon, la neutralité, ça n'existe pas en journalisme ni en humour. L'important, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et ça, je peux vous dire, moi, j'en ai aucune. Allez, bonne émission.